comme les yeux rougis des enfants de la peur, traqués par le malheur d'un inutile conflit. Comme l'éclat enflammé du sang des condamnés qui ne sont pardonnés de faire vivre leurs idées. Il y a trop de rouge, il y a trop de haine tout au long de la vie qu'on mène. Mélangeant un peu les couleurs, je veux du rose sur mes malheurs, comme la toge empourprée qui sert de bouclier à ces moines assassins au nom d'un droit divin. Comme la robe sang du taureau sacrifié au plaisir de ces gens en arène rassemblée. Il y a trop de rouge, il y a trop de haine tout au long de la vie qu'on mène. Mélangeant un peu les couleurs, je veux du rose sur mes malheurs. Le signe de la fin avant de me quitter. Comme le vermillon de tes ongles graciles qui courront agiles dans une autre toison. Il n'y a plus de rouge, il n'y a que de la haine tout au long de la vie que je mène. Je ne peins plus, tout est fini. Pour moi aujourd'hui, tout est gris.